la tempête. On va finir trempé. T'as tenu plus longtemps peste. Qu'est-ce qu'on va devenir en vrai? Faut pas qu'on se mette en perte. On va finir par ramper. Comment ramasser ton blé? Bienvenue dans la malchance. Pas content quand je suis mal chaussé. C'est une voiture de bonne alsa. Sur le scooter était mal châssis. La galère pour qu'un alsace. Mais t'inquiète, on peut pas mal choisir. Ça restera dans les annales, ça. J'ai pas encore tout donné pour déguster tout du nez. J'suis dans l'ombre étant donné qu'on recherchait ton Gina. Non, j'étais pas là pour donner. Plus la peine de bourdonner. Le cerveau est tout sonné. Si ça vient, ferme les yeux de cette couleur, on est sapé. Je regarde l'heure pour le temps, on fait ça bien. Ouais, ça pue la patate si tu sentais. Comme la viande, tu me diras si ça vaut. On se tue, on calcule plus la santé. C'est plus tard qu'il faudra me dire si ça va. Quand je suis dans l'excès, ramène-moi la Lexus. Quand je serai pas complexé, je te fais perdre l'excès. Tu pourras pas me vexer. J'ai moins que ton mec sus. Rentre dans la navette, y'a ton envol pour Mexique. Va les coups de mon ex, c'est mieux pour être que sexy. On n'avale plus les excuses. Et même vous, si t'es sexy, ne m'envoie plus de texto. Attends, j'ai cassé cette cible. L'alcool dans la contre-exe. Moi, avec mes sept chiffres. J'ai pas encore tout donné pour déguster tout le dîner. J'suis dans l'ombre et t'en donné pour rechercher ton Gina. Non, j'étais pas là pour donner. Plus la peine de bourdonner. Le cerveau est tout sonné. Pécho. Et on...